matin j'ai ouvert mon dossier pour la PSPP. Et alors je suis rentré, je me suis lavé, j'ai mangé comme d'habitude. Matin t'as ouvert ton dossier pour la PSPP. Pas la peine de parce que ce matin, j'ai marché dans la rue de Paris. Et je me suis perdu parce que j'ai mal au périph' avec les fourmis. Pour ne pas changer, et tant plus je suis tombé sur son poteau. Ok, bon, tu te moques de moi.